C'est un redoutable honneur pour moi d'avoir été placé hier par la confiance unanime des représentants de la nation à la tête de l'État sénégalais. Cette vibrante unanimité, je l'ai sentie hier dans les rues de notre capitale où le peuple, toute race mêlée, noir, arabe, berbère, européen, clamait sa foi dans le Sénégal indépendant. Je suis sensible. Pourquoi le cacher? Sénégalaise, Sénégalais, depuis 15 ans, je vous ai souvent mis en garde contre une certaine maladie inoculée par le colonialisme et que j'appelais la sénégalite. C'était un complexe de supériorité. Or, votre rôle n'est pas de conduire, mais d'éclairer. Il n'est pas d'entrer dans la course au leadership. Il est d'unir dans l'égalité qui est la condition sine qua non de la coopération. C'est pourquoi l'affirmation de la personnalité, que dis-je, l'indépendance sénégalaise est une nécessité africaine. Mais elle est d'abord un fait. Le Sénégal, vous le savez bien, est un vieux pays. Cela compte. Je le verse au dossier. Si nous avons transcendé les querelles de race et de caste, si nous avons su, par un effort de 15 ans sur nous-mêmes, nous débarrasser du territorialisme, le drame de l'ex-fédération du Mali prouve que d'autres n'avaient pas fait le même effort que nous. Nous en avons tiré la leçon, qui est l'indépendance sénégalaise comme préalable à la coopération africaine. Ainsi, l'on voit bien, au lendemain de cette ruée vers l'indépendance des uns et des autres, la nature des réponses politiques dans leur diversité plus ou moins consensuelle. Mais cela ne saurait occulter la réalité toujours préoccupante et douloureuse des conflits ethniques. En témoigne ce reportage de la radio française en date du 16 février 1959 et qui rend compte de la lutte qui oppose à Brazzaville les Lari de la région du Poule et les Mboshi du nord du pays.